بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue notre cours sur l'explication du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est toujours dans cette section qui est après le chapitre du divorce, qui parle de certains sujets qui sont relié à aux questions de la famille. Hein, on a fait al-ridaa, al-hadana, mawani' al-hadana. Au dernier cours, on a parlé de nafaqat al-zawja, hein, l'allocation pour l'épouse. Et aujourd'hui, le sujet, c'est babun fi nafaqat al-aqaribi wal-mamalik, c'est-à-dire l'allocation pour les proches parents et les personnes ou les choses qu'on possède, soit les esclaves ou les animaux. Et donc, ici, le cheikh, il va expliquer ces points-là. Et c'est important de bien comprendre ça parce que ça fait partie des droits dans l'islam. Et vous savez qu'ici, par exemple, dans des pays comme le pays dans lequel on est, par exemple, ou d'autres pays parmi les pays occidentaux, par exemple, il y a qu'est-ce qu'ils appellent les allocations qui sont données, hein, aux familles. Puis, il y a aussi l'aide de solidarité qui est donnée pour les pauvres. Où les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent prendre de l'aide du gouvernement. On va leur donner une petite somme d'argent pour être capable de payer leur loyer puis de faire le minimum de ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est vraiment, comme on dit, le minimum. Et à cause de ça, les gens parmi beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils disent, bon, puisque le gouvernement, il donne aux personnes un peu d'argent pour les aider, alors, dans ce cas-là, on n'a plus, nous, de responsabilité de leur venir en aide. Et on n'a plus l'obligation d'aider les autres. Ce qui fait que maintenant, beaucoup de musulmans, ils ne ressentent plus le devoir et l'obligation de s'occuper des pauvres ou de s'occuper des gens qui sont dans le besoin, et surtout quand c'est des gens qui font partie de leurs proches et de leur famille. Alors que dans l'islam, hein, c'est la responsabilité des proches de s'occuper de ceux de leur famille qui sont dans le besoin et qui ont un manque, hein, et non pas responsabilité des étrangers. Et ça, c'est une chose, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont mal compris ou bien ils ne comprennent pas correctement. Et yani, le cheikh, il explique, il dit « Babun fi nafaqat al-aqarib wal-mamalik » المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقة والبهائم. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par les proches d'une personne? C'est tous ceux qui héritent de la personne. Et qu'est-ce qu'on veut dire par al-mamalik? C'est-à-dire les possessions d'une personne, c'est-à-dire les esclaves, si quelqu'un possède des esclaves, on sait qu'à notre époque, il n'y en a pas vraiment, il y en a énormément comme il y en avait dans le passé. Et de même que les esclaves, il y a les animaux que quelqu'un possède, s'il a du bétail, hein, ou s'il possède une ferme, eh bien, il doit s'en occuper. Il dit ensuite, le cheikh, « وَيَشْتَرِطُ لِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْقَرِيبِ » إذا كان من عمودي النسب وهم والد المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا. Donc il explique que la condition, il y a une condition pour que quelqu'un de notre famille ait mérite obligatoirement qu'on s'occupe de lui financièrement et qu'on l'aide financièrement. Et qui est-ce qu'on veut dire par les proches en premier? C'est ceux qui sont « umoudi al-nasab ». Umoud, ça vient ça veut dire dans le sens du pilier. Hein? Le pilier, ça dit tes proches qui sont dans le pilier. Le pilier, c'est quoi? C'est ceux qui sont au-dessus de toi, tes parents, hein? Ton père et ta mère, ou tes grands-parents, et ceux qui, et en montant, tes arrière-grands-parents, tes arrière-arrière-grands-parents, s'ils sont vivants, c'est obligatoire pour toi de t'en occuper. Et ceux qui découlent de toi, ceux qui sont en dessous de toi, ça veut dire tes enfants. Hein? Donc, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants en descendant. D'accord? Et il dit, donc ça c'est la première catégorie si on veut. Ensuite, il dit wa an yakuna al-munfiq alayhi minhum faqiran la yamliku shay'an aw yamliku ma yakfihi wa la yaqdiru ala at-takassub. Donc parmi les conditions qui fait que quelqu'un parmi ceux qui font partie de nos parents ou de nos enfants, bon, les enfants, on va l'expliquer plus tard, vous allez comprendre que ils sont sous notre charge. Et les parents, par exemple, s'ils sont pauvres, ils ne possèdent rien, ou bien qu'ils possèdent, mais c'est pas suffisant ce qu'ils possèdent, et ils n'ont pas la capacité de travailler pour gagner leur argent. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour quelqu'un de les aider et de s'en occuper financièrement. Il dit وَأَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقْ غَنِيًا عِنْدَهُ مَا يَفْضُلُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ زَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكِهِ. Donc il dit que la personne, pour que ce soit obligatoire pour elle d'aider ses proches et qu'il leur donne de l'argent ou une allocation quelconque, eh bien il faut qu'il soit parmi les gens qui ont des moyens, qui sont riches. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire qu'il a un surplus de ce qu'il lui faut comme nourriture et comme bien pour lui, sa femme et ceux qui sont sous sa charge, c'est-à-dire pendant l'année, pour une année complète. Donc s'il a plus que qu'est-ce qu'il lui faut, alors dans ce cas-là, il a la responsabilité d'aider ses proches. Il dit « وَأَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقْ وَالْمُنْفِقْ عَلَيْهِ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ » Donc il faut que tes proches parents soient sur la même religion. Il faut que les deux soient de la même religion. Et il dit « وَإِنْ كَانَ الْمُنْفِقْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَوْلَادِ الْمُنْفِقْ وَآبَائِهِ اِشْتُرِطَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ الْمُنْفِقْ وَارِثًا لِلْمُنْفِقْ عَلَيْهِ » Donc il dit « Pour ceux qui ne font pas partie des enfants ni des parents, eh bien, il y a une autre condition supplémentaire pour qu'ils puissent avoir l'obligation qu'on les aide et qu'on subvienne à leurs besoins, c'est qu'ils fassent partie des héritiers. Qu'ils fassent partie des héritiers. Donc il dit « وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَالِدِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَمِنَ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا بَلْ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْإِنْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ » Donc, parmi les preuves de l'obligation de dépenser et d'aider financièrement nos parents, il y a le verset qui dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. C'est le verset 83 dans Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ils doivent être bons envers leurs parents. Et parmi les exemples de la bonté envers les parents et de la bienveillance envers eux, c'est bien entendu de les aider financièrement et de s'occuper d'eux financièrement. C'est la plus grande forme d'ihsan. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas permis pour un musulman de donner sa zakat à ses parents. Hein? Il n'a pas le droit de donner sa zakat à ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents font partie de ceux pour lesquels il est obligatoire de donner de son argent. Donc, il ne peut pas se débarrasser d'une obligation par une autre obligation. Hein? Donc, il ne faut pas que, s'il donne sa zakat, il ne faut pas que ce soit à ses parents, il faut que ce soit à autre que ses parents. Hein? Ou à autre que ceux auxquels il doit donner obligatoirement. D'accord? Ensuite, le cheikh, il dit « وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ عَلَى أَبِيهِمْ » قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي على المولود له وهو الأب رزقهن أي طعام الوالدات وكسوتهن أي لباسهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. Donc ici le cheikh il explique que l'obligation donc pour donner la nafaqa, l'allocation aux enfants, hein, et pour les enfants de donc ceux par rapport au père, l'obligation de dépenser pour ses enfants, C'est le verset 233 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et pour le père, il a le devoir de leur donner leur subsistance, hein, c'est-à-dire la nourriture et ainsi de suite, et leurs vêtements, hein, parmi les obligations, c'est de dépenser pour leurs vêtements, bil ma'ruf, c'est-à-dire selon ce qui est connu dans la coutume de leur pays, par rapport à celui qui est dans l'aisance et qui a les moyens, chacun selon la possibilité qu'il a. S'il est aisé, il donne selon ses moyens, et s'il est pauvre, il donne selon ses moyens, sans israf, c'est-à-dire sans excès, voilà iqtar, c'est-à-dire sans non plus être avare et cupide, de ne pas vouloir dépenser, hein, comme il y en a des gens, par exemple, ils sont pingres, hein, ils ne veulent pas dépenser un sou, et il y en a d'autres, au contraire, ils sont excessifs, ils donnent tout, ils veulent tout dépenser. Demain, ils n'ont plus rien. Donc, c'est ni l'excès, hein, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ إِلَى عُنُقِكَ, hein, إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ne tiens pas ta main accrochée à ton cou et ne l'étends pas complètement non plus. Hein, mais cherche une voie entre les deux, de ne pas être pingre et de ne pas être excessif au point où tu donnes tout, puis demain, il ne te reste plus rien. Hein. Donc, une voie intermédiaire. Et parmi les preuves également de ça, il y a le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Hind, radiyallahu anha, elle est venue voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, mon mari, il est avare, il est pingre. Il ne me donne pas à moi et à mon enfant ce qui est suffisant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends ce qui est suffisant pour toi et pour ton enfant, selon la coutume, bil ma'ruf. Hein? Et ensuite, le cheikh, il dit, وَالدَّلِلُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبَ الَّذِي يَرِثُهُ الْمُنْفِقُ بِفَرْدٍ أَوْ تَعْصِيبٍ قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. Donc la preuve qu'il est obligatoire aussi de donner aux autres proches parents qui font partie des héritiers, le verset 233 encore une fois dans sourate al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وعلى الوارث مثل ذلك, c'est-à-dire et la même chose également pour l'héritier, hein, nul ne doit supporter plus que ses moyens, la mère n'a pas... Non, ça, c'est un autre. Même obligation pour l'héritier. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est une obligation aussi. Il dit, لِأَنَّ بَيْنَ الْمُتَوَارِثِينَ قَرَابَةً تَقْتَضِي كَوْنَ الْوَارِثِ أَحَقُّ بِمَالِ الْمَوْرُوثِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ فَيَنْبَغِي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. Donc entre les héritiers, il y a un lien de parenté qui implique le fait que l'héritier, il mérite plus les biens de celui de qui il va hériter que les autres personnes. Et donc par conséquent, il faut qu'il soit aidé, hein, financièrement par celui dont il va hériter, d'une manière plus particulière, hein, vis-à-vis de ceux qui ne font pas partie des héritiers. Il dit wa fi hadhihi al-ayatihi qawluhu ta'ala wa 'ala al-warithi mithlu dhalik. Il dit ay 'ala al-warithi, hein, 'ala warith al-walad ghayr walidihi alladhi yakunu bihaythu law mata hadha al-walad wa lahu malun warithahu min al-infaq 'ala al-tifl mithlu ma 'ala walidihi. من ذلك قال تعالى وآت ذا القربى حقه. Donc il mentionne aussi dans le verset 62 dans sourate al-Isra, et donne à celui qui a un lien de parenté avec toi son droit. وآت ذا القربى, c'est-à-dire celui qui a un lien de proximité ou de parenté avec toi son droit, حقه. Et il dit وغير ذلك من الأدلة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني. Et il y a beaucoup d'autres preuves également qui indiquent l'obligation pour celui qui est riche d'aider ses proches qui sont dans le besoin. Il dit وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر أو من أبر قال أمك ثم أباك وأختك وأخاك. وللنساء وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. Donc il dit que il est rapporté selon Abu Daoud que un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit à qui je dois être plus, envers qui je dois être plus bon et envers qui je, avec qui je dois garder les liens de parenté. Il a dit avec ta mère, puis ton père, puis ta sœur, puis ton frère. Et ça c'est rapporté un autre hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Al-Hakim selon Tariq Al-Muharibi. Il dit ibda biman ta'oul, wabda biman ta'oul, c'est-à-dire commence, lorsque tu fais une sadaqa, commence avec ceux qui sont sous ta charge. Hein? Donc, ce n'est pas correct en islam que tu aides des étrangers avant de commencer à donner leurs droits à ceux qui sont plus proches de toi. Donc, tu commences à faire sadaqa à tes proches, à ta famille. Hein? Et ensuite, une fois que tu as fait ça, s'il y a un surplus et que tu veux aider des autres, alors dans ce cas-là, oui, tu peux aider les autres, mais tu laisses tes proches dans le besoin et tu donnes aux autres qui sont éloignés de toi. Si tout le monde fait ça, c'est pour ça qu'il y a des gens dans le besoin. Hein? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc, si tu commences par aider tes proches, déjà, ça fait ces gens-là qui sont... On s'est occupé d'eux. Donc, ça veut dire que par la suite, les autres personnes vont pouvoir s'occuper de leurs proches à eux aussi, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Là. Quand j'ai dit tout à l'heure, tu ne dois pas donner la zakat à tes parents, parce que tes parents, c'est une obligation pour toi de t'occuper d'eux s'ils sont dans le besoin. Et je n'ai pas généralisé ça dans le sens que il y a des ulama qui ont dit, si ton frère ou ta sœur hein, sont dans le besoin, ou tes oncles ou tes tantes sont dans le besoin, et que dans ce cas-là, tu peux leur donner de la zakat, s'il n'y a personne d'autre qui s'occupe d'eux. Ouais. Mais tes parents et tes enfants, tu ne peux pas leur donner de la zakat, parce que eux, c'est dans l'umoudi, hein, c'est les liens de parenté qui sont dans le pilier, hein, ceux qui sont au-dessus de toi, c'est-à-dire ceux de qui tu viens, et ceux qui sont en dessous de toi, c'est-à-dire ceux qui découlent de toi-même, tes enfants, ta progéniture. Tandis que le fait de donner de la sadaqa, ça, ce n'est pas la même chose que la zakat déjà en partant, parce que la sadaqa, c'est déjà volontaire, et en même temps, tu peux donner en sadaqa la somme que tu désires. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum, et en même temps aussi, il n'y a pas de moment spécifique dans l'année ou de nombre de fois non plus dans l'année, contrairement à la zakat. La zakat, c'est un montant spécifique. Il y a un nisab, un montant minimum à posséder. Tu la donnes à des gens qui sont prédéterminés et spécifiés dans la charia. Et c'est seulement après que tu as possédé cet argent-là une année complète. Tandis que la sadaqa, il n'y a pas ces restrictions-là. Tu donnes comme tu veux, à qui tu veux, comme tu veux, tant que c'est hein, dans le bien et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux donner à tes proches en premier, puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ibda biman ta'oul ».« Ibda biman ta'oul ». Donc, tu commences par eux en leur donnant sadaqa. Hein? Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, chaque bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, de tes enfants, c'est une sadaqa pour toi. Donc, ce n'est pas seulement sadaqa dans le sens de donner de l'argent. Même la nourriture que tu achètes, les vêtements que tu leur achètes, tout ce qu'ils mangent, tout ça rentre dans la sadaqa et Allah te récompense pour avoir donné ça hein, à tes proches. Hein, malgré que c'est une obligation. Malgré que c'est une obligation, mais il te récompense quand même et c'est considéré comme une sadaqa de le faire. Et dans l'autre narration du hadith de Tariq Al-Muharibi, il dit, débute donc par ceux qui sont sous ta charge, biman ta'oul, ta mère, ton père, ta sœur et ton frère. Puis il dit, thumma adnaka adnak. Adnaka adnak, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus proche, les plus proches, hein? Puis par le plus proche et le plus proche. C'est-à-dire, yani, en t'éloignant par la suite, en t'éloignant. Il n'a pas cité les enfants, mais ça rentre dans la signification de Manta'oul. Hein, parce que tes enfants, ils sont sous ta charge. La mère, le père, et après tes enfants, parce que c'est l'umoudi, comme on a dit, ça fait partie de ta descendance. Donc c'est sûr qu'ils sont dans l'obligation. Hein, tu as le devoir et l'obligation de pourvoir à leurs besoins. Et ça, de toute façon, il y a un paragraphe spécifique pour parler de ça en particulier. Le cheikh, il dit, والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة وينفرد بها لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه مع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه. Donc ici, le cheikh il explique que le père, c'est obligatoire pour lui de donner à son enfant ou à son fils une nafaka complète, et il y a droit de façon spécifique et individuelle. Et la preuve de ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Hind, radiyallahu anha, prends ce qui te suffit à toi ainsi que à ton enfant selon la coutume. Ça, c'est la preuve que le père, il doit obligatoirement donner cette nafaka à son enfant. Et il mentionne également le verset 233 dans Surat al-Baqarah, « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » Et à celui pour qui l'enfant a été né, hein, pour celui qui est le père de l'enfant, il a l'obligation de donner aux épouses, aux femmes, leur subsistance et leurs vêtements selon la coutume. Et dans l'autre verset, le verset 6 dans Surat al-Talaq, « Et si elles allaitent pour vous, alors donnez-leur leur récompense ou leur salaire. » Bil ma'rouf. Et ça, c'est pour désigner l'obligation du père de donner de payer l'allaitement, hein, pour son enfant. Donc, il est obligatoire pour lui de dépenser pour l'allaitement de son enfant. Hein. Et il dit, wa amma al faqir alladhi lahu aqarib aghniya wa laysa minhum al ab fa innahum yashtarikuna fil infaq alayhi كل بقدر إرثه منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث فمن له جدة أو أخ شقيق مثلا وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك وعلى هذا فقس. Donc il dit que en ce qui concerne les proches parmi les parents qui sont riches, c'est-à-dire si un pauvre il a des parents qui sont riches et que il y a pas un parmi ces riches là qui fait partie de qui, c'est-à-dire son père ne fait pas partie de ses parents riches. Son père, il ne fait pas partie de ses parents qui sont riches. Alors, dans ce cas-là, ses proches parents qui ont des moyens et qui sont riches sont tous partenaires dans l'allocation qu'ils doivent lui donner. Et chacun doit lui donner selon la proportion qui lui revient selon l'héritage. Donc, ils vont partager entre eux. Ses proches parents qui sont riches vont partager entre eux le montant de l'allocation qu'ils vont lui donner selon la portion de l'héritage qu'il leur revient. Et donc, il dit ici, « وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ » comme on l'a lu tout à l'heure. Il dit donc qu'il est obligatoire d'organiser et d'ordonner l'allocation donnée à cette personne selon la proportion de l'héritage qu'il va posséder. Comme par exemple, si quelqu'un il a une grand-mère et qu'il a un frère de même père et de même mère, par exemple, il lui sera pour la grand-mère, elle aura à donner le sixième de cette allocation, tandis que le reste, ce sera, le reste sera à son frère de même père et de même mère. C'est-à-dire que son frère de même père et de même mère devra donner le reste, c'est-à-dire 5 sixièmes, yani, à son frère. Parce que c'est de cette proportion-là que chacun d'entre eux hérite. Et il dit, utilise ça comme règle pour faire l'analogie par rapport aux autres cas. Hein? Chacun selon qu'est-ce qu'il a comme héritage, il doit donner cette proportion يعني, à ce proche-là qui est dans le besoin. وَأَمَّا نَفَقَةُ الْمَمَالِكِ مِنَ الْأَرِقَةِ وَالْبَهَائِمِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدْ نَفَقَةَ رَقِيقِهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى بِالْمَعْرُوفِ لقوله صلى الله عليه وسلم وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق. Donc il est également obligé de dépenser de ses biens pour ses esclaves s'il possède des esclaves et pour son bétail s'il possède du bétail, et ça c'est une obligation pour le maître de ces choses-là. Donc de donner à son esclave ce qu'il a besoin comme nourriture, comme vêtements et comme habitation, selon la coutume. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce sujet-là, l'esclave a droit à sa nourriture, à ses vêtements, selon la coutume, et ils ne doivent pas non plus être chargés de faire un travail qu'ils ne peuvent pas supporter de faire. C'est-à-dire, tu ne dois pas charger ton esclave de faire un travail qu'il ne peut pas faire ou qui est trop lourd pour lui. Dans un autre hadith, il dit que l'imam al-Shafi'i, il a rapporté dans la Musnad, de même que al-Bukhari et Muslim ont rapporté, min hadith Abi Dharr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbishu mimma yalbis ولا تكلفوهم ما يغلبهم مع قوله تعالى وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté selon Abi Dharr radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les esclaves sont vos frères, hein, et ils vous aident, hein, Allah les a mis sous votre main. Alors celui qui a sous sa main son frère, c'est-à-dire qui est sous sa main, c'est-à-dire qu'il est dans sa possession, alors qu'il le nourrisse de ce qu'il mange et qu'il le vêtisse de ce qu'il porte, hein, et ne leur faites pas charger. Hein, ne les forcez pas de porter ou de prendre une charge qui les dépasse, qui est trop lourde pour eux. Et Abu Dharr, radiyallahu anhu, vous savez qui c'est? C'est un des nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui un jour avait accusé ou insulté un homme par sa mère. Hein? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu en disant « Inna kamru unfika jahiliya » C'est un homme dans lequel il y a encore de l'ignorance. Quand il a dit ça, hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, Abu Dharr, il a tellement eu honte, il a mis son visage par terre, il a dit au compagnon qui était accusé ou qui avait été insulté comme ça par sa mère, viens mettre ton pied sur mon visage. Hein. Il dit, je ne vais pas enlever ma face du sol jusqu'à ce que tu viennes mettre ton pied sur mon visage. Ça, c'est parce qu'il a compris, hein, à quel point c'était honteux de sa part d'agir de cette manière et de se faire dire ça. Et par la suite, on a vu Abu Dharr venir avec son esclave. Il portait les mêmes vêtements que lui. Hein? On ne pouvait même pas le distinguer. Alors, c'est lui qui rapporte ce hadith-là maintenant. Hein? Le même qui a rapporté ce hadith qui dit, ce sont vos frères hein, qui vous aident dans vos affaires. Allah les a mis sous votre main. Alors, quiconque a son frère sous sa main, qu'il le nourrisse de ce qu'il mange. Ça veut dire, si tu manges quelque chose, tu manges la bonne nourriture, tu dois donner à ton esclave de cette nourriture-là. Tu ne vas pas lui laisser juste des miettes hein, ou de la nourriture qui n'est pas bonne. Non. Hein. Comme les koufars qui traitent leurs esclaves comme des animaux, ils ne les traitent pas comme des êtres humains. Donc, ils leur donnent les choses qu'eux, ils ne veulent pas, les choses qui sont plus bonnes. Hein. Non, dis, tu les nourris de ce que tu manges et tu les habilles de ce que tu portes. Hein? Et ne leur fais pas porter quelque chose qui est trop lourd pour eux. Tu ne vas pas les surcharger et leur faire faire des choses qui vont hein, leur faire du tort. Et il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 50, dans Sourate Al-Ahzab, et je vais vous lire le verset en question. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, « قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ » في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. Hein, nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent. Hein? Et donc il y a dans ça la preuve de l'obligation de s'occuper hein, de l'allocation des esclaves et de veiller à leurs besoins hein, pour le maître. Un autre point aussi, le cheikh il dit que si l'esclave il dit وإن طلق الرقيق نكاحا زوجه سيده أو باعه لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب وإن طلبته أما خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. Donc si l'esclave demande à son maître il dit à son maître je veux me marier, eh bien, son maître, dans ce cas-là, il devra soit le marier ou le vendre. Il aura le choix, soit de le marier ou de le vendre. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 32, dans Surat An-Nur, « Et mariez les jeunes garçons d'entre vous et les pieux d'entre vos esclaves, hommes et femmes. » Et il dit, cet ordre implique une obligation lorsque cela est demandé. Hein? Donc, si l'esclave demande à son maître hein, de se marier, le maître a l'obligation de le marier. Et si c'est une femme, si c'est une fille esclave, et qu'elle demande à son maître hein, de se marier, alors il aura le choix soit yani, de la marier ou de la vendre, et, ou bien d'avoir lui-même des rapports avec elle. Si ça c'est dans le but d'éliminer tout méfait qui pourrait l'atteindre. Ensuite le cheikh il dit wa yajibu ala man yamliku bahimatan alafaha wa saqiyaha aw afalaha wa suqiyaha wa ma yasluhuha liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam udhibat imra'atun fi hirratin habisatha حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. Si tu as un animal ou du bétail, c'est obligatoire pour toi de les nourrir et de les abreuver et de leur donner tout ce qui est bon pour eux, de traitement aussi. Hein? Et il donne l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne qu'il y a une femme qui a été châtiée hein, au jour de la résurrection à cause d'un chaton qu'elle avait attaché. Et ce chaton est mort de faim parce qu'elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a pas laissé libre pour qu'il puisse manger hein, des choses qui sont sur la terre. Alors, elle a été comme responsable de sa mort et par conséquent, Allah l'a châtié hein, à cause de ça. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, muslim. Donc, il n'est pas permis dans l'islam de faire du tort aux animaux ou d'avoir de la cruauté envers les animaux ou de faire du mal envers les animaux. Donc, ça, c'est parmi les exemples que des droits des animaux dans l'islam. Il dit fadalla hadha al-hadith ala wujub an-nafaqati ala al-hayawan al-mamluk li'anna as-sabab fi دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت تحت ملكه من باب أولى. Donc il dit, si on peut dire ça d'une femme qui n'a pas nourri un chat ou qui a empêché un chat de se nourrir, hein, alors que ce chat est en sa possession et qu'elle a été en enfer à cause de ça, que dire des autres animaux qui sont sous ta charge si tu t'en occupes pas, hein? Donc il dit la wala yajuz li malik al bahima li malik al bahima an yahmilaha ma ta'jaz anhu li an dhalika ta'dhib laha. Donc t'as pas le droit non plus, si tu possèdes du bétail ou des animaux, de les forcer à faire, à porter ou à tirer des choses qu'elles sont incapables de porter. Parce que ça, c'est comme un genre de châtiment que tu fais subir à l'animal. Il dit wala yajuzu an yahliba min labaniha ma yadurru waladaha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la darara wala dirar. Il dit t'as pas le droit non plus de prendre de l'animal, de son lait, qui va nuire à son enfant. C'est-à-dire que si tu vas prendre le lait de l'animal, tu dois en laisser suffisamment pour que le bébé de cet animal puisse en boire, mais pas en prendre au point où tu vas nuire à l'animal lui-même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « la darara wa la dirar ». Donc tu ne dois pas te faire du tort à toi-même ni aux autres. Il dit « wa yahrumu alayhi la'nu al-bahimati wa darbaha fi wajhiha wa wasmuha fihi ». فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته والله تعالى أعلم. Donc il dit pour terminer qu'il est interdit de maudire l'animal. Donc, il y a des gens, par exemple, ils maudissent leurs animaux, ils maudissent leur propriété, leur maison, leur voiture, leurs enfants, leurs femmes, leur tout. Ils maudissent tout ce qu'ils ont. Ils maudissent le temps quand il ne fait pas beau, ils maudissent le climat, la température, le vent. Tout ça, c'est haram. Hein? Et il dit, tu n'as pas le droit non plus même de frapper l'animal dans son visage. Quand on dit que ce n'est pas permis de frapper quelqu'un dans le visage, même un animal, tu n'as pas le droit de le frapper dans son visage. Et il dit, tu n'as pas le droit non plus de le marquer dans le visage. C'est-à-dire le marquer quand, par exemple, tu vas mettre sur l'animal une marque pour le distinguer, pour dire que c'est à toi. Tu peux le faire sur un endroit, sur l'animal, mais autre que son visage, pas sur son visage. Il dit, et si tu es incapable, tu es propriétaire d'un animal et tu es incapable de t'en occuper et de lui donner ce qu'il lui faut, alors c'est obligatoire pour toi dans ce cas-là de le vendre ou de le louer ou de l'égorger pour le manger, si ça fait partie des animaux qui se mangent. Parce que de le garder dans ta propriété, dans ta possession, alors que tu n'es pas capable de lui fournir ce qu'il lui faut, alors ça, c'est de l'injustice et il est obligatoire pour quelqu'un d'éliminer l'injustice. Wallahu ta'ala a'lam. C'est ce qui vient donc terminer le chapitre en question et qui conclut donc cette partie du livre. Donc on va maintenant aujourd'hui s'arrêter là. Pour les semaines suivantes, on va commencer un nouveau chapitre, Inch'Allah, qui s'appelle « Kitabul Qasas » Wal-jinayat, c'est-à-dire le chapitre du talion et des crimes. Hein? Donc on va voir dans ce chapitre-là les peines et les punitions qui ont été prescrites et les règles du talion. Hein? Et vous savez, le talion, ça veut dire la justice. Hein? Comme c'est mentionné dans le Coran, « Al-aynu bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-sinna bil-sin » والجروح قصاص et ainsi de suite. Tout ça, on va le mentionner. Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Hein? Donc tout ça, ça va être clarifié, inshallah, dans les cours qui suivent. Et après ça, il y a un autre chapitre qui s'intitule Kitab al-Hudud wa al-Ta'zirat, c'est-à-dire le chapitre des peines et des punitions. Ça, c'est le droit pénal, si on le qualifie selon qu'est-ce que les kuffars ont classifié comme règle ou comme loi. Eh bien, ça rentre dans le droit pénal islamique, hein, qui est basé sur le Coran et la Sunna. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.